это телефон, а это магнитофон. En vivo. Listen to the blow of the cassette tape. It's alive. Escuche. Bombay system operational. Bienvenue sur Cosmic Cassette. On écoutait Caught on Tape, une cassette provenant d'internet, publiée par la LAPD, soi-disant. Voilà, c'était la phase B. Et voilà, j'ai mis ça en introduction de cette nouvelle émission de Cosmic Cassette parce que hier, je me suis fait arrêter par la police à Perrache parce que j'écoutais un Walkman. Voilà, c'était bizarre, je dois dire. Et voilà, bon ben du coup une petite musique de funk pour dire bonjour. Oui, un petit morceau de funk de Paul Hardcastle, You Are the One for Me, publié sur la compilation de DJ Wax. Grande Funk, c'est une compil de funk soul que Tristan Commando Coco m'a offert. Il avait chopé au magasin The Sound of Music dans le Vieux Lyon, un magasin spécialisé dans la musique funk d'hier et d'aujourd'hui. Il y a des trucs bien chelous, c'est assez sympa comme magasin. C'est sorti chez Gros Lyon Records en 2018. This is a Cosmic cassette and is for use only on a Cosmic unit. Playing a cassette on a hi-fi or other audio equipment can cause serious damage to its speakers. Please stop Cosmic cassette now. Cosmic cassette, Cosmic cassette. capacity, select the tap one of time. Cassette. Yeah. Après le gros son hip-hop des années 80, là on va passer à rien à voir du coup. C'est je vais choper cette cassette sur la distro de Tuff que j'ai croisé cet été plusieurs fois, mais notamment à Arnac, un petit village où il y avait un concert dans une ancienne grange qui s'appelle La Borde. Voilà, des gens qui organisent des concerts à peu près une fois par semaine apparemment cet été et l'été prochain peut-être. Et du coup la cassette c'était j'ai chopé c'est Crapula, un mec, j'avais vu son atelier à Madrid et ça m'avait fait penser à, enfin, à des apparts que de gens que je connaissais à Pau, voilà, rempli de bordel, enfin c'est vraiment un, comme le Merzbau en fait de Kurt Schwitters, un peu. Des gens qui font de la sculpture, en même temps de la musique, impossible de différencier l'un de l'autre. Impossible de différencier leur habitat de leur atelier. Voilà, des artistes bruts quoi. Et du coup, Crapula, on avait un peu discuté avec lui, je me rappelle, avec Gaël. Il disait qu'il avait... Enfin, il avait... Je sais plus si c'est lui qui l'avait dit ou si son site internet mentionnait qu'il avait déjà... Enfin, qu'il avait participé à des concerts avec Damo Suzuki, des gens comme ça. Et là, c'est une collaboration avec deux autres personnes qui s'appellent Miguel A. Garcia et Linoyes. Et dans la cassette, ça s'appelle, c'est imprononçable quoi, très laps, Ongmigmer. Et c'est un extrait de la face qui s'appelle Euyeuyeu. Bon, n'importe quoi. C'est sorti chez Tense Process en 2014. Petit extrait musical et moi je vais aller me refaire du café. Et juste après Capula et ses amis, on va écouter Aval avec le titre Poison, auto-publié en 2015. Voilà, et j'avais chopé leur cassette au concert qu'ils avaient fait au squat des Bienvenus. Il y a pas si longtemps en fait. Ouvrez la porte. Un instant. Je viens. Qui est-ce? Qui? C'est la police? La police? Le troisième exercice est terminé. Thank you. après Asphalt, on va s'écouter un petit Zad Coca. La pire denrée du monde sur l'album Les Trois Gueules au matin du monde. Le pessimisme. Les pommettes. Très dilatées, elles indiquent l'ouverture de la personne aux autres et l'influence des événements extérieurs sur sa vie. Effacées, elles indiquent une personne tournée sur elle-même. À l'aplomb du visage, elles indiquent que l'importance des autres est maîtrisée, comme les phénomènes extérieurs. Le nez, droit et fin. Moyen, il marque l'aptitude au jugement. Plus il est long, plus le jugement sera puissant. En trompette, il indique un tempérament prime-sautier. Santa e le barbale, haide che devi stare là. C'est lofi pour que ça ne soit pas non plus assez. Voilà, ça tue bien, j'adore. Bon, c'est nice. Thank you. bien, ouais, c'était justement un petit Romain de Ferrou. Issu de la cassette Flores, et je crois d'ailleurs que le titre c'est aussi Flores. Il y a plein de morceaux bien sur cette cassette. Il a sorti ça pour la tournée justement qu'il a fait là. Et j'ai la chance d'avoir vu 15 fois en concert à la suite et ne jamais m'en être lassé. Et je vais vous passer un titre qui est vraiment émotif, quoi. Très beau. This castle hath a pleasant seat. The air nimbly and sweetly recommends itself unto our gentle senses. This guest of summer, the temple-haunting martlet, does approve by his loved mansionry that the heaven's breath smells wooingly here. No jutty, frieze, buttress, nor coign of vantage, but this bird hath made his pendant bed and procreant cradle. Where they most breed and haunt, I have observed, the air is delicate. Thank you. Cosmic Cassette. Cause I'm Cosmic cassette. Cosmic cassette. Cosmic cassette. Cosmic cassette. Voilà, c'était Baster avec Service Cabaret sur une compile de La Réunion par Oasis Prod, Lombé Louisette Prod et Discorama, sorti en 1995 chez Pizza Emmaüs. Et là, c'est issu d'une compile que j'ai trouvée, qu'on m'a offert de Toulouse, enfin, ou du coin de Toulouse, Two Millions, la compile volume 2 par Ilotep. Et c'est No Quantize avec Son of Boom Bap. Try the game yourself. Oh, yeah. Oh, yeah. Let's go.